Au vieux Sarreguemines par Maurice Level. La boutique, dont la peinture était déteinte et par endroits écaillée, portait comme enseigne au vieux Sarreguemines. Bâtie en retrait dans une rue étroite de la rive gauche, elle ne recevait quelques rayons de soleil qu'à l'heure matinale où l'eau bouillonne dans les ruisseaux et où les ménagères, courvêtues, la tête enveloppée d'un fichu, vont chercher leur lait. Mais ce gendre vivait là, parmi ses vieux meubles, ses vieilles étoffes, ses vieux livres, poussiéreux et râpés comme eux, levés tard, tout couchés, sans ambition et sans rêve, tellement habitués à ses bibelots qu'il les vendait presque à regret, ne distinguant pas, dans son cœur paternel, entre le flacon de Venise ébréché et la miniature Louis XVI, orgueil et gloire de sa vitrine. Jadis, bien achalandé, le magasin avait peu à peu perdu ses clients. À peine si, de temps à autre, un visiteur poussait la porte, demandait un prix, examinait une chaise, un chandelier d'étain, puis s'en allait sans acheter. Ce gendre le reconduisait poliment, effleurait d'un doigt câlin le bibelot qu'un instant il avait craint de perdre, et reprenait sa lecture. De petites rentes soigneusement gérées, une économie parfaite et une absence totale de besoin lui permettaient ce dilettantisme et ce détachement. Un jour qu'il lisait un bouquin orné d'images candides, la clochette de l'entrée tinta. Il leva la tête, retira ses lunettes, posa son livre et dit avec une affabilité d'un autre âge « Vous désirez, monsieur ?»« Jetez un coup d'œil, » répondit le client en regardant autour de lui. « Faites donc, monsieur, faites donc, » autorisa M. Gendre. « Ce n'est pas bien en ordre, mais je suis seul. Il y a tant de choses, il faut excuser. »« Je sais, je sais. » « J'ai l'habitude des magasins d'antiquité, et le bibelot m'importe plus que le cadre. » Mais ce gendre le complimenta de comprendre ainsi l'amour des belles choses. Le visiteur allait et venait, se faufilant entre les meubles entassés, ouvrant un tiroir, essayant la patine d'un bois, feuilletant un volume. À chacun de ses gestes, M. Gendre expliquait ou conseillait. « Faites attention, vous pourriez vous salir, il y a tant de poussière. Ne prenez pas la peine. Ceci... je vous le dis franchement, n'est pas ancien. Du moins, il n'y a qu'une partie qui soit de l'époque. Les cuivres sont modernes. Mais ceci, en revanche, est parfait. Oh, je vois, vous êtes connaisseur. Un peu, répondit le client, à force de chercher, n'est-ce pas? Il tournait entre les doigts un hulier en vieux moustier. Joli, dit-il en le reposant avec soin. Vous trouvez tout de suite la bonne pièce, commenta M. Gendre en souriant. Je m'intéresse aux faïences, expliqua le client. Alors, dit M. Gendre, en confidence, je vais vous montrer quelque chose. Il retira d'un bahut une assiette de la Compagnie des Indes, l'éleva pour en faire admirer la transparence, la mania pour en goûter la pâte tendre, la fit sonner d'une pitchenette et la tendit. Le visiteur la reçut avec respect et hocha admirablement la tête. J'en ai 12 pareils, exposa M. Gendre, mais je ne tiens pas à les vendre. Plus tard, si je me retire à la campagne, je les mettrai sur un buffet. Vous avez 100 fois raison, approuva le visiteur. Ce sont des merveilles. Monsieur Gendre aimait qu'on aimât ce qui lui était cher. Le client commentait les qualités de cette porcelaine avec une érudition familière. Monsieur Gendre lui confia toute sa pensée. L'ennui de notre métier, c'est qu'on a la plupart du temps affaire à des personnes ignorantes et qui ont la prétention de s'y connaître. J'en ai vu qui discutaient, marchandaient à 5 francs près, un objet d'une valeur certaine et qui n'aurait pas su distinguer une commode Régence d'une commode Louis XV. Avec vous, c'est un plaisir. On parle, on échange des idées. Autrement, autant vendre du sucre ou des petits pois. Parbleu, approuva le visiteur en s'arrêtant devant un brûle-parfum. Amusant, dit M. Gendre. Gentil, approuva le client. Combien en voulez-vous? 2000. Répondit M. Gendre en clignant ses petits yeux. « 2000, 2000 !» répéta le monsieur en soulevant le couvercle. M. Gendre se mit à rire. « Je plaisantais. C'est un bibelot que j'ai laissé là. Je ne sais pourquoi. C'est moderne, enfin. Ce n'est pas du 16e comme on pourrait croire. S'il vous plaît, vous m'en donnerez 70 francs. C'est trop. Mettons 60 et emporte-le. »« Eh bien, » dit l'acheteur, « entendu. » Il tira son portefeuille de sa poche, y prit un billet, puis se ravisa. « Non, décidément, monsieur Gendre, je ne peux pas. Vous avez là un cloisonné chinois du 16e qui est une pure merveille. » Quand vous m'en avez demandé 2000, j'en suis resté stupéfait. Cent vaut 3000, 4000, davantage peut-être. Et vraiment, je ne me sens pas le courage de profiter de votre erreur. Vous vous êtes trompé. Tout le monde se trompe, et les plus forts se laissent rouler. Vous auriez été un marchand comme il y en a tant. Je vous aurais pris au mot, je l'avoue. Mais vous êtes un artiste. Un de ces artistes qui font honneur à une profession aujourd'hui bien diminuée. Et je ne ferai pas une chose pareille. Voulez-vous 4000? Êtes-vous sûr que ça vaut ce prix-là? Car si vous avez votre délicatesse, moi, j'ai mes scrupules. N'en ayez aucun, je ne me trompe pas, affirma le client. Alors ma foi, marché conclu. Je peux dire par exemple que c'est de l'argent qui me tombe du ciel. Tout en parlant, il enveloppait le brûle-parfum. Le client paya, plaça le paquet sous son bras et sur le point de sortir s'arrêta. Que je suis étourdi! J'étais entré chez vous pour acheter une coiffeuse. Il m'avait semblé en voir une. Celle-ci, du galbe, en bon état, un peu cher par exemple, 5000. Hein ? Murmura l'acheteur. Ce n'est pas donné. La forme est courante, les bronzes truqués. Je voulais autre chose pour la campagne. À 1500 francs ça irait. C'est ce que je l'ai payé. Tenez, 1600, et encore parce que j'ai trouvé l'autre bibelot. Croyez-moi, vous n'en tirerez pas plus. Allons, soupira M. Gendre, qui n'y perdait pas. Voici la somme et voici ma carte. Envoyez-moi ça ce soir. Comptez sur moi, dit M. Gendre, après avoir lu Marquis de Pompignol, 160, boulevard Malesherbes. Et refermant la porte, il sourit. Dieu merci, il y a encore d'honnêtes gens. Dites donc, annonça un mois plus tard un voisin en entrant dans sa boutique. C'est pas vous qui feriez les affaires comme ça. Écoutez ce que dit le journal. Hôtel Drouot, la première journée de la vente de Pompignol a produit près d'un demi-million. Une seule coiffeuse, ornée de bronze ciselé de Jean-Louis Prieur, ayant appartenu à Madame de Pompadour, a atteint 287 000 francs. Ah, le misérable ! S'écria M. Gendre. Vous trouvez-vous aussi qu'il faut être un misérable pour payer un bibelot une pareille somme quand la vie est ce qu'elle est ? Approuva le voisin. Oui, balbutia M. Gendre, frappé à mort, et voulant malgré tout cacher sa honte. C'était Au vieux Sarreguemines, par Maurice Levelle.